Mardi 16 avril 2013, bienvenue à l'aérospatiale Julie Gagné avec vous jusqu'à 18h30. Aujourd'hui à l'émission, on rencontre Pierre Dirette qui viendra nous parler de son exposition Le Quartz des Pygmées qui est présentée à la Petite Galerie de l'œil de poisson. Fanny Hénon-Lévy est allée faire un tour au théâtre et va nous présenter les qualités plastiques qu'on peut trouver dans Changing Room, la pièce qui est présentée au Périscope à partir de ce soir. Armel François, co-commissaire de l'exposition Noces de papier qui célèbre les 40 d'Engram viendra nous entretenir de cette exposition justement et des 40 ans de l'organisme. Raymond Poirier viendra nous faire sa revue de presse et pour ponctuer le tout, les sélections audio de Simon Roy. Bonjour Simon. Bonjour Julie. Ça va bien? Ben oui. Oui, tu te laisses pas trop abattre par cette pluie torrentielle qui nous tombe dessus depuis ce matin? Ah non, ça me coule comme sur le dos d'un canard. Ça me dérange pas du tout. Ça nettoie tout. Ah ben voilà. Cette semaine, Simon, on écoute Fields of Ohio. Oui, ben un album vraiment hypnotisant. J'ai trouvé une belle combinaison. Fields of Ohio, c'est un duo. C'est composé de Christine Anarino. Elle a fait au guitare, au banjo, puis au loop, au boucle. Il y a aussi Eddie Palmer qui est à guitare basse, au son, puis au beat. Donc c'est un genre de mélange aux accents jazz et bluegrass, mixé avec musique électronique au travers de ça. Il sert d'échantillonnage de musique qui est dans le domaine public, donc des vieux enregistrements de 78 tours, puis peut-être même de trucs en cire, de l'ancêtre, là, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, c'est vraiment des vieux enregistrements, vraiment crottés, vraiment sales. Puis, avec une belle couche électronique par-dessus, ça donne un mélange, mais vraiment incroyable. J'ai adoré l'album. C'est publié sous l'étiquette Haze Net Label, qui ont plus de 200 albums gratuits. Donc, c'est ça. C'est vraiment une belle découverte cette semaine. J'espère que les auditeurs vont apprécier. Voilà, mais s'ils apprécient d'ailleurs, ils peuvent trouver les liens pour le téléchargement sur le site l'aérospatiale.wordpress.com. Oui. Qui seront mis, je pense, imminemment. Simon Roy, merci beaucoup. Ben, fait plaisir. Bonne émission. Ben oui, puis nous, on t'écoute dimanche à 21h pour Web Musique. Et on s'en va tout de suite en pause. On écoute Lake Erie Shipwreck sur les ondes de CKRL. Alors, c'était un extrait de la pièce Lake Erie Shipwrecks, ou en tout cas, je sais pas comment on dit Lac Erie en anglais. J'imagine c'est la même chose qu'en français. Bref, toujours à l'aérospatiale, Gilles Gagné, maintenant accompagné de Raymond Poirier. Bonjour. Bonjour, Julie. Ça va bien? Ben, ça va très bien. Toujours une semaine assez faste, ma foi, côté actualité. Surtout qu'on reste principalement dans la région de Québec et de Montréal. Notamment à Montréal, ben, on suit, j'ai envie de parler de saga au fil des dernières semaines. Donc, toute la réflexion autour de la gestion administrative de la Biennale de Montréal. Eh bien, voilà, donc, il nous est arrivé via la presse d'information concernant l'événement. Il y aura association un peu plus serrée entre la Biennale de Montréal et le Musée d'art contemporain. Alors, il y aura union des forces pour assurer la survie de l'événement dédié aux arts visuels et médiatiques. Les termes précis du partenariat seront dévoilés très prochainement là, dans le cadre d'une conférence de presse. Mais d'ici là, ce qu'on sait, c'est qu'il y aura association et que normalement, dans l'organisation de l'événement, il y aura une part quand même assez importante aussi qui sera assurée et assumée par le Musée d'art contemporain, donc à part égale dans la gestion et dans la programmation de ce rendez-vous. Alors, la première conséquence, cela dit, de ce nouveau mariage serait la disparition de la Triennale d'art contemporain de Montréal, un événement qui était tenu par le musée, donc qui va passer ses activités de la Triennale à la Biennale. Donc, je pense qu'en termes de fraction, on y gagne au bout du compte, peut-être, en termes de fréquence. Et donc, voilà, les deux organismes vont concentrer leur effort sur la tenue d'un seul événement biennal en gardant la portée internationale de l'événement. Si jamais vous avez une opinion sur le sujet, parce que je sais qu'il y a des gens qui s'insurgent un peu sur la mainmise en fait du Musée d'art contemporain de Montréal sur la biennale, ben, vous pouvez nous écrire sur le site l'aérospatiale.wordpress.com. D'ailleurs, Raymond, tu mettras les liens pour la revue de presse. Exactement. Et on passe maintenant de Montréal vers Québec où on parle d'art public. Deux axes qu'on retient cette semaine. Tout d'abord, des nouvelles des attracteurs, un projet, une œuvre dite technoculturelle qui avait été conçue par le sculpteur André Dubois et des architectes Côté Lié et Cardas qui devait être initialement installé en 2012 dans des endroits divers dans le quartier Saint-Roch, notamment le jardin Saint-Roch et le parvis de l'église. Il y avait eu des délais dans cette installation-là parce que la ville voulait s'assurer que l'investissement allait porter fruit et que les sculptures allaient être en mesure de résister à l'hiver. Alors ce qu'on dit, c'est que la preuve est essentiellement faite. Donc l'œuvre avait été installée dans un parc industriel à Vanier, où il était suivi de manière presque quotidienne là, par des gens de la ville de Québec. Et ce qu'on dit, c'est que jusqu'à maintenant, le prototype a passé l'hiver, un hiver qui était quand même assez difficile avec beaucoup de variations de température, en fait, puisque c'est surtout ça qui risque d'endommager les structures, des moments de grand vent aussi. Et ce qu'on dit, c'est que l'œuvre a survécu et donc devrait pouvoir être transposée dans le quartier Saint-Roch là, au fil des prochains mois, la prochaine année. On a bien hâte de voir, donc. Oui, exactement. Et parallèlement, ben, il y a des œuvres qui risquent d'apparaître prochainement. Il y en a d'autres qui disparaissent de manière presque inopinée, si on peut dire. C'est le cas d'une des boîtes électriques municipales transformées en œuvre grâce à un projet d'ex-muro qui a subitement retrouvé son apparence froide et métallique et ce, sans que l'artiste soit mis au courant de sa disparition. Alors, il s'agit d'une œuvre de Martin Bureau, une œuvre qui avait été mise en place en 2011. C'était dans une de boîtes électriques assises sur le boulevard Charest à l'intersection de la rue Dupont, donc qui lui avait servi de toile, on s'en rappelle, pour réaliser ses œuvres. C'est une œuvre qu'il avait fait avec son fils adolescent. Et ben, la ville de Québec a été obligée de changer la boîte. Et un peu comme ça avait été le cas, je crois, dans le dossier de la côte de la Pente Douce, ouais. Ben, c'est les services d'entretien qui ont pris sur eux simplement d'entretenir, dans le fond, les espaces, mais n'ont pas pensé à avertir l'animation culturelle ou l'organisme que ces changements-là allaient être faits, ce qui fait que ben, l'organisme a été averti par un passant de la disparition de l'œuvre. Alors, ben, on parle donc d'un défi communicationnel peut-être entre la ville et l'organisme, et donc on se questionne à savoir de quelle manière, justement, pour renforcer ces axes-là de communication. Du côté des porte-parole de la ville, on a dit, ben, regardez, d'une manière ou d'une autre, c'est des œuvres qui sont à vocation éphémère. OK, donc on la remplacera pas tout simplement et puis là, puis on laisse la boîte électrique plate et LED. En fait, pour l'instant, du côté de la ville, dans les médias, on n'a pas dit qu'on allait débloquer un budget pour remplacer l'œuvre. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Autre questionnement qu'on lance cette fois-ci, c'est dans les pages numériques du Daily Dot, James Elkins de la School of the Art Institute of Chicago qui se questionne par rapport au Google Heart Project où il dit essentiellement que Google est en train peut-être de trahir les grands peintres. peintre. Pourquoi? Eh bien, parce que il estime que la numérisation qui a été faite des œuvres d'art permet d'avoir une vision beaucoup trop précise de l'œuvre, de manière beaucoup trop rapprochée, ce qui fait qu'on dénature la perspective qu'on peut avoir de l'œuvre, et ce qui fait qu'on voit donc les œuvres des grands maîtres comme Rembrandt, Manet, Van Gogh, Bruegel et autres, ben de manière peut-être un peu trop précise, un peu trop rapprochée, donc un peu trop dans le détail. Et donc ce qu'il dit, ben c'est, regardez, eux n'ont jamais conçu leur œuvre pour être vue de manière aussi proche, aussi proxime, et donc il faudrait peut-être repenser la numérisation ou le détail dans lequel on offre d'analyser ces œuvres-là au public. Si ça vous intéresse le sujet, en fait, il y a Yannick Marcil du blog Rodville qui a écrit un texte là-dessus et qui décrit un peu la position de cet homme-là en disant que, dans le fond, j'irai pas plus loin, si ça vous intéresse, vous pouvez trouver le billet assez facilement. Voilà. Le questionnement est assez intéressant, en fait, effectivement. De quelle manière on peut numériser les œuvres? Est-ce que c'est une trahison? Ou plutôt une démocratisation? Quels sont les effets fait cette démocratisation-là? Est-ce que le profane peut s'improviser un connaisseur, etc.? Donc, il y a toute une réflexion. Et sinon, sur le blog également, on va mettre en ligne, enfin, on a mis en ligne un texte du Monde sur Zhao Wuqi, peintre français d'origine chinoise qui est mort à l'âge de 93 ans. Dans le fond, un peintre qui a marqué l'art contemporain. Et on détaille justement là, la carrière de cette personne. Si vous avez envie de vous remémorer ou de la découvrir de façon post-mortem, eh bien, c'est possible via le journal Le Monde. Raymond Poirier, merci. Ça me fait plaisir. Vendredi, La Vie en BD. On parle de l'Amérique de Réal Godbout. Voilà. Donc, on s'en va en pause audio. On écoute Airport Lungs, No Memory. Et au retour, on discute avec Armel François. C'était un extrait de l'album Fields of Ohio du groupe du même nom. Et cette année, en fait, c'est vraiment l'année des anniversaires de centres d'artistes, puisque Engram célèbre son 40e anniversaire. Engram, qui au départ a été fondé sous le nom Atelier de réalisation graphique. Et pour en discuter, Armel François, qui est co-commissaire de l'exposition célébrant cet anniversaire et également coordonnatrice aux communications et à la diffusion d'Engram. Bonjour. Bonjour. 40 ans pour un centre d'artistes quand même, hein, c'est l'ancêtre, c'est le doyen des centres d'artistes de Québec. Absolument. J'espère qu'on ne nous en voudra pas de le dire, qu'on n'est pas en train de voler la place de quelqu'un, mais effectivement, c'est un cendre qui a du vécu et qui le présente en ce moment avec son exposition, avec plus d'une quarantaine d'artistes en galerie et environ 70 artistes présentés dans tout le centre. D'ailleurs, c'est ça, vous avez décidé d'investir les ateliers aussi, bon, toutes les vitrines, c'est pour donner, bon là je vais faire un jeu de mots plate, mais pour donner une vitrine justement à Engram au-delà du lieu de diffusion? Pour donner une vitrine à Engram, pour essayer de le présenter sous un petit peu toutes ses coutures, parce que les gens viennent, voient l'exposition, effectivement, mais on a autre chose, on a des ateliers, on a des gens qui travaillent quotidiennement dans ces ateliers-là. Tout le monde ne le sait pas. Le public, en général, ne sait pas que nous avons des ateliers. Donc ça, c'est une manière d'attirer les gens aussi, de montrer autre chose, de montrer des gens qui ont une expérience, mais de montrer la jeunesse qui a une nouvelle expertise aussi, qui se développe au fur et à mesure. Et dans ces vitrines, dans ces ateliers, c'est une belle manière de le faire parce que tout le monde peut les découvrir. Alors qu'en temps ordinaire, ben il faut faire une gentille demande et puis on fait une visite particulière, mais le public n'y a pas accès en temps ordinaire. Tandis que là, moi, j'y suis allée, j'ai pu descendre justement, ouais. Puis on voit, bon, Il y a quand même un espace sur le mur qui est réservé aux œuvres, mais l'atelier n'est pas non plus complètement chamboulé parce qu'il faut quand même que ça... Effectivement, il reste fonctionnel et il y a des artistes qui travaillent. Moi, je suis allée travailler cette fin de semaine en gravure et il y a des gens qui sont venus. J'avoue que je l'avais oublié, je ne m'y attendais pas et c'est déstabilisant pour les gens qui sont en train de travailler là sur le moment. Mais en même temps, c'est très intéressant et enrichissant et ça permet au public de voir exactement ce qu'on est en train de faire et le processus pour cela. Oui, parce qu'effectivement, en estampe, il y a plusieurs processus, puis c'est quelque chose, oui. Bon, les gens voient l'image imprimée, mm-hmm. si on veut, mais ont aucune idée nécessairement de comment ça peut se et produire. Et là, les œuvres sont réparties dans les ateliers en fonction de leur médium. Donc, c'est intéressant de voir les œuvres de sérigraphie dans les ateliers de sérigraphie. C'est plus simple à comprendre. Les artistes sont en train de travailler ou ne le sont pas, mais les matériaux sont là. Les écrans de sérigraphie sont présents, donc on peut avoir une idée de comment ça se passe. C'est plus simple de poser des questions. Aussi, non? Et au-delà des œuvres qui sont présentées justement dans les ateliers par rapport mm-hmm. au médium, vous avez décidé, parce que tu es co-commissaire avec Marie-France Tremblay et Clément Leclerc, oui. vous avez décidé de présenter les œuvres chronologiquement pour oui. faire des regroupements esthétiques pour montrer une évolution. C'était pas tant des regroupements esthétiques au point de départ. Il fallait faire un choix. Donc, partir de ces 40 années-là, pour nous, c'était un petit peu se simplifier la tâche de diviser en décennies pour trouver des gens à l'intérieur de ces décennies-là. Mais effectivement, il en sort certains regroupements esthétiques. Il en sort des choses qu'on n'avait pas prévues. Moi, il y a une chose qui m'a étonnée, qu'on m'a fait remarquer, en fait, que j'avais vue sans vraiment faire tant que ça attention, c'est que la dernière décennie et la première ont des liens. Dans le sens où la première essaie beaucoup de choses et la dernière est à nouveau en train de ramener des essais. C'est la seule à être en volume, d'ailleurs. C'est le seul ouais. mur, parce que c'est présenté sur des murs. C'est le seul mur à être tridimensionnel alors que les autres ne le sont pas. Donc, c'est intéressant de voir qu'il se passe à nouveau quelque chose. Il y a eu des périodes plus restrictives, si on veut, dans le sens où l'esthétique était plus sobre. Les gens, peut-être que dans la vie, c'était différent ou il y avait une sagesse qui était là. Et puis là, à nouveau, il y a une envie de test. On remarque dans les ateliers beaucoup de sérigraphie. L'atelier de sérigraphie est le plus utilisé ah ouais. et très dynamique. Beaucoup de jeunes qui viennent en sortant de l'université. Il y a énormément de monde. C'est vraiment l'atelier qui est en pleine expansion en ce moment. Puis, outre la sérigraphie, est-ce qu'il y a d'autres procédés qui sont assez en vogue, l'estampe numérique ou... L'estampe numérique, on en a très peu, nous. C'est un volet qui est un petit peu particulier, qui est moins bien cerné ouais. dans l'estampe en soi. Et à côté, il y a Vue Photo qui imprime des choses. Donc, il est un peu à cheval. On peut se retrouver, les gens qui font de l'estampe numérique ne sont pas forcément en estampe, ouais. finalement. Certaines personnes, oui, on en a. Il y a Thérèse Guy qui fait de l'estampe numérique, qui en fait depuis longtemps, qui est très assise face à son médium. Mais les gens qui le font sont peu nombreux chez Engram, en tout cas. Et si on revient un peu aux artistes, aux œuvres qui sont présentées dans l'exposition, bon, vous avez travaillé à trois commissaires quand même. Comment vous avez fonctionné? Parce que là, ça ne doit pas être évident non plus, là, de trois têtes qui En fait, je dois dire ces choses. Ça a très bien été. C'est étonnant à dire, et régulièrement, Clément Leclerc disait, mais on s'entend bien. Et c'est vrai, c'est... Il n'y a pas eu de problème du tout. Quand quelqu'un apportait une idée, ben, on l'envisageait, puis des fois elle était acceptée, des fois elle l'était pas. On a amené beaucoup de choses comme ça, puis on est allé à ce qui était le plus logique, mais il n'y a jamais eu la moindre friction à ce niveau-là. C'est, vraiment, c'était une entente parfaite. Je sais pas comment ça se fait. Ça tient du hasard, j'imagine. Mais tant mieux, de nos tempéraments, peut-être. Puis qu'est-ce qui vous a guidé pour le choix des œuvres? Parce que j'imagine, il doit y avoir un corpus assez imposant, là. En grand, me dit avoir des, je sais pas combien de membres, mais. Oui, beaucoup. Plusieurs centaines. En fait, au point de départ, on a plus choisi des artistes que des œuvres. Okay. On est vraiment allé vers ça, vers les connaissances de Clément par rapport au point de départ. Parce que lui, il était là depuis. Il est là depuis le point de départ, oui, la seconde année, je pense, de la création de la RG. Donc, il a connu tous ses débuts, il a connu les gens à ce moment-là, il savait ce qui se passait dans les ateliers. Donc, on a suivi ses idées, on est allé voir, on a fait des petites recherches. Quand il nous amenait un nom, nous, on allait voir, Marie-France et moi, on allait voir sur Internet. Des fois, quand on ne connaissait pas, on ne connaît pas tout le monde. Mais en moyenne, on savait quand même assez bien de qui on parlait. Ensuite, pour les autres membres, ça a été un peu la même affaire, mais Clément étant moins présent dans les ateliers maintenant, c'est plus Marie-France et moi qui avons pris le relais pour ça. Et puis, sinon, on a demandé aux gens, à tous les gens qu'on avait sélectionnés, on leur a demandé de nous envoyer plusieurs possibilités d'œuvres et des images, bien évidemment, pas les œuvres au point de départ, mais qui nous envoient ça. Et là, on a fait une sélection à partir de ça, des œuvres qui avaient été créées dans les ateliers de l'ARG et d'Engram, bien évidemment, pas des œuvres faites ailleurs. Mais à partir de ça, on a fait notre sélection. Et c'est pas une sélection pour que les œuvres... excusez-moi l'expression, mais fit ensemble. C'était vraiment des coups de cœur personnels ou des choses qui étaient très représentatives de l'artiste ou du moment. C'était vraiment ce point de vue-là qu'on cherchait. Et toi, Armelle François, est-ce que tu as des coups de cœur, justement, parmi les œuvres qui sont présentées, j'imagine? Oui. Mon plus grand coup de cœur se retrouve sur le carton. C'est une œuvre de Carmen Coulombe, Mater Dolorosa. Et c'est une... Je ne sais pas en fait si c'est quelqu'un qui prie, une femme priant et pleurant, ou si c'est la Vierge elle-même. Je ne le sais pas exactement. Ça ressemble à une Vierge. J'avoue, avec son petit halo autour de la tête, mais je l'aime beaucoup parce que pour deux raisons. D'abord, c'est vraiment, elle me plaît esthétiquement. Elle vient me chercher par ses couleurs, par la thématique. J'ai toujours aimé cette thématique reliée à la religion. Mais autrement, c'est une œuvre qui, à l'époque, était plus... elle cherchait un petit peu à choquer. Ouais. Carmen Coulombe, on le sait, avait une personnalité un petit peu différente et aimait ça pousser un petit peu loin son imagerie. Elle date de quelle année, hein? Les années 70, je pense que c'est dans la première section. Oui, début des années 70, là, je ne me souviens pas. Donc, quand même, l'imagerie religieuse était très connotée. 73. C'était très connoté, voilà, à l'époque. Et aujourd'hui, cette œuvre-là passe totalement inaperçue, pas dans le sens où on ne la remarque pas du tout, là, non, est toujours belle, assez éclatante. Mais au niveau de sa symbolique, il y a personne qui tique dessus. Il y a personne qui se dit ouh, on est allé jouer dans quelque chose, parce que c'est une œuvre où il y a le personnage qui est en train de prier, mais il y a des couleurs fluo, il y a toutes sortes de choses. Un personnage vert comme ça, si on considère que c'est la Vierge, une Vierge verte avec un fond orange fluo qui est très, très, très voyant. Ça donne un côté pop assez fort, là. Et ce qui nous a surpris avec tout ça, c'est que au-delà de l'œuvre elle-même, son résultat aujourd'hui, les couleurs n'ont pas changé. Le orange fluo est toujours orange fluo. Après 40 ans, et ça, c'était les couleurs à l'huile à l'époque, et on n'est pas sûr que dans 40 ans, les couleurs actuelles vont rester fluo et aussi voyantes. On se questionne par rapport à ça, mais c'est ça, c'est une œuvre qui est restée magnifique avec tout ce vécu, mais en même temps, on sent que les idées ont changé autour de ça. Et donc, je trouve qu'elle est très charnière par rapport à ça, et c'est pour ça qu'on l'a choisie pour le carton. Et si je vais à l'autre extrême de la fourchette temporelle, mm-hmm. de l'exposition, parmi les artistes de la relève ou des artistes qui, en ce moment, travaillent en grammes dans les œuvres exposées, une qui te parle? Il y en a beaucoup, en fait, mais je dois dire, bon, là, ça va être des goûts personnels et j'espère ne choquer personne parce que, franchement, j'aime toutes les œuvres qui sont présentes ou dans leur très grande majorité, à des degrés différents, c'est certain. Mais je trouve que une des pièces qu'on a, qui est un bel essai, c'est une œuvre de Cynthia Dinan Mitchell qui est un crâne, un animal, je dirais une vache ou quelque chose du genre, mais je me lancerai pas dans les grandes théories. Mais elle a sérigraphié par-dessus, donc c'est un transfert de sérigraphie sur le crâne lui-même. Donc là, je trouve qu'on pousse le médium à ses limites actuelles. Elle essaie autre chose. C'est quelque chose qui fait partie d'une installation autrement, mais là, on a cette pièce-là et elle fonctionne très bien seule. Donc ça, je trouve ça très intéressant d'avoir ça uniquement et de voir que c'est efficace alors que ça peut faire partie d'un corpus complet. Et peut-être, dernière question en terminant, parce qu'on va bientôt aller en pause, mais bon, là, on célèbre 40 ans. Qu'est-ce qui s'en vient? Il s'en vient différentes petites choses, parce qu'on a eu beaucoup de choses dans l'année aussi, des petits événements, des choses différentes. Il s'en vient un encan le 28 avril, bien évidemment. Un encan spécial 40e ou... C'est pas un encan spécial 40e, mais en même temps, on espère que les gens vont être là pour le 40e. C'est toujours quand même l'encan d'engramme, c'est toujours un événement assez couru et assez spécial. Oui, c'est ça. Et puis, on va avoir une conférence le 2 mai avec Nicole Malenfant et Marc Ducas. Donc, Nicole Malenfant, qui est professeure à l'Université Laval, qui va nous parler de l'historique de l'estampe, d'engramme aussi, et Marc Ducas, qui était professeur à l'université, qui est le fondateur de l'ARG et qui va nous parler de son travail actuel. Donc, ça va être très intéressant aussi. Voilà, Armelle François, co-commissaire, coordonnatrice aux communications et à la diffusion d'engramme, merci beaucoup. Merci. L'exposition Noces de papier ARG engramme 40 ans d'estampe est présentée jusqu'au 12 mai. Donc, on le disait en début d'entrevue, dans les ateliers, dans la galerie, dans les vitrines, on envahit tout l'espace du Centre d'artistes. On s'en va en pause, de retour, on discute avec Fanny et non Lévy. Cette soirée vous est présentée grâce à la participation du Bal du Lézard. Le Bal du Lézard, 1049 3e avenue à Limoilou. Le Bal, 26 ans de Limoilou libre. Lebaldulezard.com. Barberie est heureuse de souligner à sa façon les 40 ans de CKRL. Écoutez, mes bons amis, la chanson que je vais vous chanter, c'est à propos du radio, je vais tout vous raconter. En 1973, dans une université, il y a des petits jeunes qui ont pensé qu'une radio, c'est une bonne idée. À cette heure, en 2013, est arrivé à maturité, c'est une belle grande radio qui fait toujours notre fierté. La Barberie est fière complice de CKRL depuis 15 ans. Le Centre Espoir Charlebourg est au service de toutes les personnes touchées de près ou de loin par le cancer. Il vous offre en toute confidentialité et à votre rythme des rencontres individuelles, de couple ou de groupe, de l'écoute téléphonique et des visites d'accompagnement à domicile. Participez à notre campagne de financement pendant les mois d'avril et mai en appelant au 418-623-7783 ou par le site internet centreespoir.com. Un reçu pour fin d'impôt vous sera émis. La solidarité est importante pour vaincre le cancer. Aimez-vous les sujets suivants? Le cinéma, la musique, les jeux vidéo, les animés, les séries télé, les mangas, l'internet en général, les gadgets techno, les dragons, les ninjas, les lasers, les pieuvres, les ninjas chevauchant des dragons pieuvres armés de lasers. Eh bien, réjouissez-vous! Les geeks contre-attaque aiment aussi beaucoup ces sujets. Ils les aiment tellement qu'ils vous en parlent tous les dimanches de midi à 13h. Une heure de culture geek, d'actualité pertinente et de sens de l'humour questionnable seulement sur les ondes de CKRL 89.1. Quoi demander de plus? Hein? On peut demander quoi de plus? Ce soir à CKRL, de 22h à minuit, c'est l'émission Fréquence, le rock de A à Z des années 60 à aujourd'hui, animé par François Thériault et Martin Anger. Et à minuit, c'est Federation Invasion, le dance hall new-yorkais au sommet. Bonne soirée sur le 89.1. Bal du Lézard, une véritable institution depuis 1985. Le bal en a vu passer du monde dans son bar. Des blancs, des bleus, des verts, des gris, des gros, des petits, des pas fins, des fins, des belles, des beaux, des chanteurs, des danseurs, des improvisateurs, des stars de Montréal, des stars de Québec, des DJ, des musiciens, des has-been, des old school, des disco, des new wave. Le bal du Lézard vous propose des 5 à 7 animés tous les jours. Un choix de 8 bières pression, une vingtaine de vodka, une dizaine de scotch de qualité supérieure et des spectacles tous les samedis. Le bal du Lézard, 1049 3e Avenue, Limoilou. Lebaldulézard.com. Les 18 heures, on revient à l'aérospatiale. Julie Gagné, toujours avec vous, toujours accompagnée de Jacques Gignac à la mise en onde. Et je suis rejointe par Fanny Hénon-Lévier. Bonjour Fanny. Salut Julie. T'es allée au théâtre hier soir parce que toi, rappelons-le, tu t'intéresses aux qualités plastiques un peu dans les autres formes d'art. Et là, t'es allée voir Changing Room général, en fait. C'est un petit rayon de soleil avec dans notre... Dans cette grisaille, hein? vraiment un très bon show. Ça dure 2h50, mais ça passe quand même assez vite. C'est très interactif, très intéressant par le procédé. On est tout de suite mis dans le bain dès notre arrivée, puisqu'on passe par la loge. Donc le public est invité à traverser la loge. Il le sait pas encore, mais il est sous surveillance. Il est filmé et retransmis dans la salle directement. Fait que quand on arrive dans la salle, on se rend compte que nos petites curiosités, voire notre voyeurisme, a été pris sur le... Si on se regarde dans le miroir au passage. Ou... Mais en tout cas, c'est sûr que c'est fascinant d'arriver déjà... Dès l'arrivée, t'es mis dans le bain. Il y a une théâtralisation. Il y a une théâtralisation. Il y a tout cet accessoire, les accessoires, le masque. On le sait, on vient voir Changing Room, on connaît la thématique. On parle de drag queen, on parle de masque, on parle de strass, de paillettes, on parle d'un monde de la nuit. La limite entre le nightlife et le théâtre, ce nightlife qui est amené au théâtre, mais qui est quand même un cabaret, puisqu'on a un setup de cabaret avec une scène qui passe au travers du public, un bar ô combien ouvert et invitant. Et un bar, en fait, juste disons-le, un bar dans la salle. C'est ça, un bar dans la salle, c'est ce que je veux dire, là. C'est une invitation à la fête, c'est une invitation au plaisir, une invitation au voyage aussi. C'est pour ça que je parlais d'un rayon de soleil. Il y a vraiment ce côté-là très extravagant, très décomplexé aussi. C'est le monde, ça c'est vraiment le monde de la nuit. Mais ce qui différencie ce monde de la nuit et du drag, parce que disons que si je veux aller voir un show de drag queen, je vais au drag sur la rue Saint-Jean. Ce qui différencie ce show là à ce que j'ai été voir hier soir au Périscope, c'est d'une part le texte et la mise en scène d'Alexandre Fecteau, qui a été aidé par notre cher Raymond Poirier à l'écriture. Ce texte là qui est de l'ordre de la narration, on se raconte, on rentre dans l'intimité, on rentre dans les coulisses personnelles. Donc il y a un jeu privé public qui est vraiment intéressant. Ça il y a vraiment un effet de d'aller-retour comme ça qui est très stimulant avec les grands écrans qui sont mis en action du départ, je l'ai dit, des allers-retours entre la scène et l'arrière-scène. Le public est pris est mis lui aussi à contribution, est pris presque au piège quelque part, là. Il y a une tension qui se crée parce que on vient chercher des membres du public, ils sont amenés à lire des textes, etc. Je veux pas tout dévoiler aussi, on interpelle énormément le public et c'est très ludique et à la fois il y a une très grande profondeur. Parce que en fait, ce texte-là, c'est une sorte de collage d'entrevues qui ont été réalisées avec des hommes qui font de la personnification. Donc, il y a ce jeu-là, tu parlais de spectacle et il y a la réalité qui entre là-dedans aussi. Qui entre là-dedans. On a des performeurs, c'est des acteurs pour la plupart, mais on le sait, il y a un des acteurs qui est lui-même drague dans la vie, c'est son métier. Et c'est extrêmement intéressant. Il y a énormément de thématiques qui sont traitées au travers de ça. Oui, il y a le comme je le disais, le côté très très très excentrique, le monde du pastiche, le masque, le cabaret. Bon, ça c'est vraiment le premier degré. On flirte avec les limites du politiquement correct aussi. On c'est sûr, c'est là encore, on est dans le monde de la nuit. Mais ce qui est au cœur de la thématique, c'est les questionnements autour de l'identité, tant sociale que sexuelle. Cette problématique là qui finalement nous touche tous, le rapport à l'autre, l'image qu'on projette, c'est quoi le féminin, c'est quoi le masculin, c'est quoi le féminin masculin, c'est quoi le l'hybride et l'androgynie sont au cœur de ce show là et je trouve que c'est amené avec beaucoup de sensibilité. Oui, c'est très volubile d'un côté, puis ils ont réussi, je trouve, à trouver l'équilibre et à amener vraiment le côté il y a une souffrance au travers de ça, on se cachera pas, la souffrance du regard de l'autre qui est la société est très dure face à un monde qu'elle ne comprend pas, qu'elle assimile avec difficulté. Et puis bon, c'est la différence fait peur, fait que ça vient décomplexer finalement ce show-là. Ça, je trouve que ça vient décomplexer et parler très ouvertement d'un monde qui souvent on couvre ça. Là, c'est le monde de la nuit, ça nous regarde pas, c'est pas notre affaire. Ils font ce qu'ils veulent. Erk, c'est dégueulasse. Bon, en tout cas, on le sait, tous les commentaires qui peuvent passer, puis ils le disent eux-mêmes dans leurs témoignages. On est dans le documentaire aussi. Parce qu'on peut dire quand même, il y a les prestations sur scène, il y a tout le spectacle drag queen, mais toute l'émotion forte, si on veut, espace en coulisses, parce que on voit les gens, les personnificateurs, les acteurs qui jouent les personnificateurs, qui sont en train de se maquiller et qui discutent finalement qui se racontent. Ça aussi, c'est mis en scène, mais à travers ça, c'est du témoignage. C'est du témoignage qu'on sent très sincère et c'est des bribes, comme tu dis, ça a été pris de témoignages réels. Donc on est vraiment entre réalité et fiction tout le temps, privé, public, tout le temps, on est tout le temps dans ces limites là et je trouve vraiment intéressant aussi le jeu entre les sexes, le féminin, masculin, cette limite là aussi, de jouer avec son image, puis de voir la transformation aussi, et voir la transformation, c'est fascinant. Il y a une tension aussi qui se crée parce que il y a un membre du public qui a été choisi, puis on tout au long du show, on se dit, oh, qu'est-ce qui va advenir de ça? On sait qu'il va se faire maquiller, mais on sait pas où ça va aller, tout ça. Puis eux-mêmes ne le savent pas. Ils jouent aussi avec, je pense, chaque soir, ils vont jouer jusqu'au 27 avril, avec ces impondérables de l'interaction avec le public. Donc, c'est vraiment intéressant. Le rapport aux arts visuels, pour moi, il est d'une évidence incroyable, non pas que ce show-là emprunte aux arts visuels, mais bien au contraire, que les arts visuels vont directement s'inspirer, non pas de ce show-là, mais de ces thématiques-là, d'identité sexuelle, la question de la limite privée-publique. Je pense notamment à Cindy Sherman, qui a énormément pensé elle c'est essentiellement sur le féminin, mais elle a réfléchi énormément l'image que projette le féminin dans la société contemporaine. Des artistes comme Pierre Molinier, qui est un artiste français, peintre, photographe, qui a joué. Lui, il est enfin en plein là-dedans. Là. Mais tu sais aussi, c'était le mois multi en février. Gob Squad, c'était la deuxième fois qu'il venait. Je sais qu'Alexandre Fecteau a, entre guillemets, emprunté certains mécanismes, en fait, qui ont été utilisés par Gob Squad, qu'on a vu là, pas plus tard qu'en février, ce travail avec la distanciation, l'intégration du spectateur, l'interaction, tout ça. Le vidéo. Donc, le lien est vraiment là, très fort aussi. Oui, tout à fait. Mais ça s'interpénètre et de plus en plus, j'ai envie de dire. Mais finalement, c'est y a aucune raison de les séparer. Là, j'ai choisi de créer des liens avec plus avec la thématique, mais c'est vrai qu'au niveau des procédés scénographiques, c'est clair qu'il y a énormément de liens à faire aussi. Il y a énormément de choses à dire. On pourrait en parler. On pourrait en parler longtemps. Et puis tu sors de là, c'est rafraîchissant, vraiment. T'as le sourire, ça fait du bien. Il y a des petites longueurs au début dans la présentation. En tout cas, c'est sûr que c'est pas un show parfait. Faut se laisser bercer par ça, puis il faut se laisser imprégner par cet univers-là aussi que personnellement je connaissais de loin là. Mais que t'as eu l'occasion d'appréhender. C'est ça. Voilà, Fanny et non Lévy, donc t'as aimé Changing Room? Ben oui, je vous le conseille vraiment, c'est jusqu'au 27 avril au Théâtre Périscope qui, soulignons-le, le Théâtre Périscope fait énormément d'efforts pour aller décloisonner le théâtre, le faire sortir puis le présenter autrement, fait que allez-y, ça fait du bien. Voilà, ben merci beaucoup. Salut Julie. On s'en va en pause, on écoute Mid-American Chant, Winter of Song sur les ongles de CKRL. C'était un extrait de l'album Fields of Ohio du groupe du même nom, une suggestion de Simon Roy. D'ailleurs, je vous le répète, si vous voulez trouver les liens pour le téléchargement des pièces gratuites, les liens pour la revue de presse de Raymond Poirier, écouter l'émission en balado-diffusion, lire les communiqués de presse en art visuel et tout ça, vous pouvez aller sur le site l'aérospatiale.wordpress.com. Vous pouvez également nous rejoindre sur Facebook, connaître nos menus d'émission et tout ça. Et voilà, maintenant, on était dans le monde du théâtre. On revient dans l'univers des arts visuels avec l'exposition Le quartz des pygmées qui est présenté à la petite galerie de l'œil de poisson et pour en parler, son créateur, Pierre Durette. Bonjour. Bonjour. Pierre Durette, c'est ta deuxième exposition à Québec en moins de quoi, 7-8 mois. Deux expositions fort différentes. Oui, oui, exactement. Ce qu'on voit, en fait, à l'œil de poisson, parce qu'on est habitué à voir tes scènes qui fourmillent de petits personnages qui sont faits à l'encre sur des couches, je crois, d'acrylique ou de médium. Dans ce cas-ci, c'est absolument pas ce que tu as fait, là. Non. J'ai travaillé sur deux pratiques que je travaille depuis quelques années. C'est la peinture et la sculpture, en fait. Fait qu'on peut voir... une élaboration de la dernière expo, vous parliez à la galerie La Certe, il y avait des sculptures plus petits formats en porcelaine Durant l'entretemps, entre les deux expos, j'ai travaillé davantage la sculpture, qui sont plus abouties, de format quasiment quatre fois plus grande. Et puis, j'ai fait de la peinture d'une autre manière, vu que c'était l'opportunité s'y prêtait. J'avais carte blanche dans un centre d'artistes. Je pouvais clore ma série Fleuve, justement, que vous parliez, là, les petits personnages, la série Propagation. Je pouvais clore cette série-là, puis m'en servir un peu pour brasser l'arbre, là, pour trouver des nouvelles idées, pour ensuite pour monter mes couleurs pour une éventuelle expo à la CERT ou à un autre centre. Là. Parce que, ça me fait penser, parce qu'il y a quand même des liens à faire avec ces séries-là, parce que tu dis beaucoup, tu travailles dans l'idée de l'accumulation. Dans ce cas-ci, cette accumulation-là, elle se fait différente, parce qu'on voit l'accumulation de styles, une accumulation de tableaux, parce que c'est plusieurs petits tableaux dans des styles, dans des genres différents. Accumulation aussi au niveau de la sculpture. Oui, exactement. C'est ça mon intérêt pour les civilisations, les cultures, les signes, les symboles, tout ça, ça c'est prégnant de moi, de ma pratique en fait. Fait que c'est sûr que c'est indissociable en fait. C'est juste sur une autre forme. Je voulais l'idée de base quand que je voyais la petite salle, c'est la petite salle de l'œil de poisson est petite, mais elle est très haute. Ouais. Fait que c'est un certain défi de travailler cette. C'est un beau défi, en fait, pour travailler. Fait que je voulais en profiter pour faire de quoi d'intimiste, à la limite spirituel, comme un hôtel vaudou, quelque chose comme ça, où que je trouve que les hôtels vaudou renferment beaucoup de signes et de symboles, des fois hétéroclites, là, comme des fois on peut voir des minéras, là, des chandeliers juifs qui accompagnent des crucifix chrétiens avec des poulets morts, là, mais en tout cas beaucoup de symboles. Fait que c'est ça que je voulais m'inspirer en fait pour cette exposition-là. Puis d'où te vient cette inspiration-là? Parce que accompagne, en fait, dans le communiqué de l'exposition, on nous présente pas l'exposition, on nous donne un poème que tu as écrit où tu parles de chants de sirènes survivalistes, d'antéchrist, de tatouer Saturne sur leur ventre, des jeux acropophages et tout ça. Est-ce que le poème est venu avant? Est-ce que le poème a servi de base à l'exposition? Non. C'est je trouve que parfois c'est peut-être mon côté rebelle. C'est parce qu'on commence moi, personnellement, en tant qu'artiste, on expose, on fait un communiqué. Il y a des choses qui deviennent des acquis sans que j'y ai pensé de changer ça. Fait que j'étais un peu tanné des communiqués, mais en même temps, ça manque un peu de générosité parce que quand les gens viennent voir l'exposition, ils sont pas au courant, puis ça les a définitivement pas à comprendre un peu l'exposition, puis il n'y a pas de mal à expliquer sans être trop didactique, mais je trouvais que c'était un autre jeu, tu sais, m'approprier un peu les mots, mais en même temps, sans être trop usurpateur pour les vrais écrivains, mais c'est tout venu après, mais c'était dans cette atmosphère-là, justement, tu sais, dans une sorte de revenir aux sources. Puis la conquête, moi j'ai toujours été fasciné par les conquêtes spatiales, puis dans le texte, il y a le jeu là, là-dessus, là, sur la conquête de Mars, Saturne, puis Cronos, là, qui était le même, là, qui dévorait ses enfants, là, comme dans une peinture de Goya, puis dans la mythologie, que j'ai joué un peu sur les mots, les idées, puis je m'en suis servi un peu pour extensionner mon œuvre, si on peut dire comme ça. Ça présente un peu des airs à la limite d'apocalypse avec des créatures. Si on regarde dans tes petites sculptures de porcelaine, j'ai vu une espèce de grosse pieuvre, des chiens sur le mur où on sent comme il y a un hôtel, sur des petits perchoirs. On voit des créatures qui rappellent un peu les gargouilles des églises gothiques aussi. Ça, c'est une perception. Je trouvais ça délicat pour ma part, là. Les sortes d'oiseaux attachés avec des ailes d'un ange, là, qui sont attachés par une ficelle. Je trouvais ça une belle sensibilité, mais c'est sûr que ça peut avoir de l'air... Ben, les gargouilles, on voit tout le moins la statuaire gothique, là. Oui, non, mais je comprends. Non, mais ouais, je suis d'accord, je suis quand même d'accord avec ça. Mais il y a quelque chose qui est vrai dans tout ça, puis c'est peut-être pour ça avec le genre de texte qui reste flou, puis... Parce que j'ai peur beaucoup de... Puis avec l'idée de d'écrire le survivaliste les survivalistes dans mon texte, je trouvais ça... parce que l'idée de l'apocalypse fait quand même partie de nous beaucoup, soit à la télé, là, dans la littérature, puis beaucoup en art. On sent tout juste de 2012 en plus. Oui, c'est ça, puis beaucoup en art. Puis j'essaie de pas trop rentrer là-dedans parce que... Des fois, la dernière fois que j'étais allé à Toronto, j'ai fait le tour des galeries, puis j'ai pas vu 4 expos qui étaient marqués Apocalypse, j'en ai vu 5, là. C'est, ah oui? J'essaie de m'en détacher, mais en même temps, on reste des sortes d'éponges, là, quand même, là. Puis une sorte d'inconscient collectif. Mais c'était beaucoup plus l'idée de revenir à la source, tu sais, qu'on vient tous de la même grotte, tu sais, sans trop nous rabaisser, là, mais tu sais qu'on est tous, c'est ça, puis un inconscient collectif, puis peut-être en travaillant la peinture de manière plus brute, ça reviendrait peut-être chercher quelque chose, c'est ça, puiser dans le fond de nous qui nous rassemble tous en tant qu'humains. Parce que tu parles justement de travailler la peinture de manière plus brute. En fait, c'est assez contrastant avec ce qu'on est habitué de voir de toi ou tes tableaux. Je veux dire, c'était quand même assez long à faire, là, surtout à l'encre avec toutes les couches et tout ça. Et là, tu disais dans la capsule vidéo présentée sur le site de l'œil de poisson qu'il y a des tableaux qui ont été réalisés très, très rapidement. Oui, ça c'était ça c'était quand même un défi, puisque c'est par plaisir que je fais de la peinture qui, c'était pas par défi technique que ça me prenait du temps, c'était vraiment par plaisir, puis sans être trop romantique, là, j'étais au service de l'image, fait que si ça me prenait 15 couches de plus, ben je le faisais juste pour que ça se réalise. Puis là, d'arriver avec des toiles qui pouvaient me prendre moins qu'une journée à réaliser, ben c'était assez confrontant personnellement, puis à la limite angoissant de les présenter aussi. Mais c'est ça, parce que l'idée, c'est quand que j'expose mes toiles, généralement le monde me dit ah c'est beau, c'est beau travail bien fait, puis ils se sont impressionnés. Ouais, puis ils me ramènent toujours avec les idées, c'est pas comme des toiles abstraites là, que je pourrais faire en une journée. Ah ouais, ok. Puis ben là c'est justement ça que j'ai fait en fait. Mais il y a des toiles abstraites qui prennent beaucoup de temps là, mais en tout cas, je veux pas rentrer, tu sais, toute la notion du romantisme dans l'art, tout ça, des fois, je suis pris dedans ou que je suis confronté avec d'autres personnes qui m'entourent puis qui, c'est bien là, aussi, mais en tout cas, c'est, fait que c'était plutôt confrontant pour moi, que ça faisait longtemps que je m'avais pas laissé aller comme ça, puis je trouve que il y a des choses que j'ai frappées juste, puis d'autres choses qui sont peut-être à revoir, mais ça fait partie de cette exposition, en fait. Et en entrevue, en fait, à l'émission, parce qu'on s'était discuté, on avait discuté au mois de septembre, on avait parlé, bon, de ton travail sur sculpture, tu disais que c'était une nouvelle avenue. Tu disais aussi que tu trouvais que tu commençais un peu à avoir fait le tour de ce que tu faisais. Est-ce que ce que tu nous présentes à l'œil de poisson, c'est quelque chose, une direction dans laquelle tu t'en vas? Oui, c'est ce que je pense, comme justement quand que je vous parlais d'annoncer mes couleurs avec cette exposition-là, je ne sais pas du tout où ce que ça s'en va, pour être franc. C'est sûr qu'il y a, comme vous avez dit, là, il y a l'idée de l'accumulation qui reprend mon travail, puis il y a plusieurs personnes qui ont vu mon expo qui me parlaient de ça, puis qui me disaient « Ah, c'est en lien, tu sais, je m'en doutais, là, mais tu sais que les gens, ils ont pas été si choqués que ça quand même, là, tu sais. Un peu surpris, mais oui. c'est logique, là. Ouais, c'est ça. Fait que je me laisse du temps parce que présentement, j'ai beaucoup de choses qui s'en viennent, mais c'est pas mal des projets déjà réalisés. Fait que ça bouge beaucoup pour moi dans des expositions et tout ça. Fait que Mais je sais que ça s'en va à se transformant. Puis c'est sûr que là, les personnages, c'est terminé. Là. Ah ouais? Oui, oui. OK, fait donc on est vraiment dans une période charnière du travail de Pierre Durette. Oui, oui. On pourrait dire ça comme ça. Là. C'est, je ne l'aurais pas dit parce que c'est un peu prétentieux. Mais c'est doux à entendre. C'est que quelqu'un d'autre le dise, ça n'a pas la même portée. Oui, fait que non, c'est clair. Et Pierre Durette, je crois que tu seras de la prochaine édition du Symposium d'art contemporain de Baie-Saint-Paul. Oui, oui. Puis, ouais, mais là, ça, c'est un petit côté angoissant, hein, parce que avec une sorte de... la bureaucratie, tout ça, en fait, que j'ai présenté un projet qui s'apparentait plus dans mes anciens projets. Fait que là, oh, okay. Donc, comment réconcilier le tout? Oui, c'est exactement ça que je suis en train de me poser comme question, en fait. Voilà, ben de toute façon, c'est en juillet. En août, juillet, août? Je pensais que c'était fin juillet. En tout cas, tout le moins, c'est cet été, donc on a quelques mois encore. Oui. Eh bien, Pierre Durette, merci beaucoup. Merci. Donc, l'exposition Le quartz des pygmées est présentée à la Petite Galerie de l'œil de poisson jusqu'au 21 avril. On fait une dernière pause audio. On écoute Warmy Floods. Alors voilà, c'était la pièce Warmy Floods, Fields of Ohio. C'était la sélection audio de cette semaine. C'est déjà l'heure de la fin de l'émission. Avant de terminer, je vous invite à aller dimanche 21 avril à l'œil de poisson, justement, où il y aura une rencontre avec Sylvain Boutillette autour de son exposition Espace Capital. D'ailleurs, cette semaine, il y a plusieurs choses qui se terminent dans la résidence de Valérie Blasse à la Chambre Blanche, les expositions à vue, les expositions à la bande vidéo également. Donc, si vous n'êtes pas allé, c'est le temps d'aller faire un tour. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous laisse avec Gilles Chaumel et son émission Funk d'Amérique.